C'est maintenant le temps de parler de la chronique des sabres d'Orberval avec l'instructeur-chef Jason de Jeunesse. Les sabres fichent de 500 en fin de semaine. Ça a continué le festival offensif. Salut, Jason. Oui. Ouais, Jason, ça a continué en fin de semaine. C'était tout un, tout l'autre. Vous avez gagné contre Normandin 8-2, un match très facile, et vous avez perdu au Saguenay. Ça a été encore une fois une défaite, mais cette fois de l'autre côté, là, défaite à haut pointage. Oui, ben c'est sûr que la défaite à haut pointage, là, à 7 ou 8 à 3, là, il restait peut-être 2-3 minutes, là, puis les gars ils ont arrêté de jouer, puis ils ont scoré, je pense, 5 buts là, en moins de 2 okay. minutes. Là. Fait que, c'est un gros pointage, là, mais okay. les gars ils ont arrêté de jouer. 12 à 3 que ça a fini contre les Saguenay de Chicoutimi. Ouais. Donc, comment t'expliques ça? On joue pas 60 minutes, quoi? Non, c'est plus un excès de confiance, peut-être. Là. Okay. Même avant le match, là, moi et les assistants, on s'avait dit que notre équipe n'était pas prête et qu'on n'était pas prêt à faire face à la musique. Puis c'est pas mal ce qui est arrivé là, dimanche soir. On n'était pas prêt, un excès de confiance. C'était trois matchs qu'on gagnait. Comme, selon moi, des meilleures équipes que ce que les Saguenay ont à nous donner. Mais tu sais, tu joues sur la glace dans un match de hockey, ça se gagne pas. Ouais. Sur papier. Fait. OK. Et dans l'autre match, défaite, victoire à ce coup-là de 8-2. Il y avait combien de monde? On dit qu'il y avait entre 400 et 500 personnes faciles, c'est-tu vrai? Il y avait 606 personnes. C'est sûr que ça faisait quand même longtemps qu'il n'y avait pas eu du hockey junior à Roberval. Donc, ce qu'on peut dire, c'est vraiment été un succès, là. Oh, oui, c'est sûr que c'est un succès. Puis en plus, on a dominé la rencontre là, du début jusqu'à la fin là, contre Normandin. On a gagné 8-2. Fait qu'on peut vraiment pas été dans le coup. Là. OK. En fin de semaine, ça ressemble à quoi pour les sabres de Roberval? En fin de semaine, on a une grosse fin de semaine de hockey. On joue contre les Zagons de l'Anma vendredi soir, puis contre les Marquis de Jonquière. Est-ce que c'est à Roberval les deux matchs? Oui. OK, donc c'est à Roberval les deux matchs. Donc, encore un bon test pour la foule, parce qu'on dit souvent, après un match d'ouverture comme ça, c'est sûr que c'est normal qu'il y avait du monde. C'est après qu'on va voir s'il y a vraiment de l'intérêt. Donc, on peut viser quoi, 400-500 personnes, facile? Bon, ben, on va espérer ça. Tant qu'à avoir eu 600 dans le match d'ouverture, j'espère qu'on va avoir au moins 400-500 pour les deux matchs en fin de semaine. On verra bien, là. OK. Ben, Jason, on se reparle le mardi prochain à cadre de la chronique des Sabres de Roberval. Parfait. L'instructeur-chef des Sabres de Roberval, Jason de Jeunesse.